le siècle de Louis XIV, a donc en tout la destinée des siècles de Léon X, d'Auguste, d'Alexandre. La langue française est devenue la langue de l'Europe. Tout y a contribué. Les grands auteurs du siècle de Louis XIV, ceux qui les ont suivis, les pasteurs calvinistes réfugiés, qui ont porté l'éloquence, la méthode, dans les pays étrangers. Un Bel, surtout, qui, écrivant en Hollande, s'est fait lire de toutes les nations. La langue française, et de toutes les langues, celle qui exprime avec le plus de facilité, de netteté et de délicatesse tous les objets de la conversation des honnêtes gens. Et par là, elle contribue, dans toute l'Europe, à un des plus grands agréments de la vie.